Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur. Je n'ai de bien qu'en toi, source de ma vie. Tu connais les désirs cachés de mon cœur. Les saints qui sont sur la terre, voilà les nobles en qui j'ai tout mon plaisir. Mais ceux qui courent après d'autres dieux multiplient leurs peines et leurs soupirs. Je ne répandrai plus leur libation de sang. Je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. Tu assures mon lot, ô Dieu qui m'élève. Les cordes me marquent un lieu agréable, agréable. Un héritage délicieux. Je bénis l'Éternel, mon conseiller fidèle. Même la nuit, mon cœur reste instruit. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Mon cœur est toi. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton fidèle voie la corruption. Tu me fais connaître le chemin de la vie, où ta présence remplit tout d'adoration. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Tu es mon rocher, mon unique espérance, mon héritage qui jamais ne s'écarte. Mon lance.